sans faire les déclarations d'amour. Soit on se pogne dans un bar, hein, soit bicon. Deux mois et ton discours est de plus lourd. Une fois n'est pas que tu mets des pas toujours. Chérie, c'est pas à cause que je viens, c'est ton visage. T'es obligé de te mettre à me parler de mariage. C'est vraiment censé te passer au doigt de bague. Juste parce que des fois tu me sers de sperm bag. I'm a boy. D'engagement, plus chic ça, déménagement. Laisse faire le love, le logement. Quand j'aime vraiment, logement. Maintenant, ça m'intéresse, c'est mon bien-être. Avec ton my right. 1, 2, 1, 2, 1, 2, take. J'm'en fous de mon break. J'm'ajoute fake. Sac oui, patience pour pricing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, take. J'm'en fous de mon break. J'm'ajoute fake. Sac oui, patience pour pricing. Once again, I be cool out my window with it. You don't hate me. I be cool from garbage, so that's why ain't nobody gonna date me. Do whole feet of vibe around this car, cause I'm petrified crazy. They committed hard, but all that kind, so I earn it. Got me burning till it builds up so hot, so hot, so hot. Arrête de m'écarrer sur MySpace. Va pas m'énerver, pas une histoire de bass. C'est lourd quand tu parles, ça paye. Je veux plus t'attendre, yo DJ, turn up the bass. Bon, ben, toi, assois, pourquoi? Prends tes clics, va te rasseoir, puis bois. Je veux pas t'en faire, accroître. Si on le fait, on va le faire, la noix. Tu m'intéresses pas, pas tout. Tu me stresses, un point, c'est tout. Pense pas que tu me blesses. Je m'en vais, plutôt tu restes. La prochaine fois, je vais te voir, je vais t'éviter. Sur MSN, je vais te déliter. Loathe me lightly, don't have to doubt. Cause I'll get up and leave you, though you dare. De luxe, j'aime la bourgeoisie, la ville en taxi, j'aime la c'est sa vie. Luxe et platine, symbole très chic, pose en feutrine, photographique. Luxe et platine, symbole très chic, pose en feutrine, photographique. J'aime les festins et les gens nus. J'aime les festins et les gens nus. J'aime les festins et les gens nus. J'aime les festins et les gens nus. J'aime la bourgeoisie, les vacances à la mer. J'aime la bourgeoisie, chambre hôtel de luxe. J'aime la bourgeoisie et les restos chic. J'aime la bourgeoisie, la ville en taxi. J'aime la bourgeoisie, les vacances à la mer. J'aime la bourgeoisie, chambre hôtel de luxe. J'aime la bourgeoisie, la ville en taxi. J'aime la bourgeoisie, Joe, c'est sa vie. J'aime la bourgeoisie, c'est sa vie. J'aime la bourgeoisie, c'est sa vie. J'aime la bourgeoisie, c'est sa vie. J'aime la bourgeoisie, c'est sa vie. Chargé de bêtises, je revois tes yeux qui parlaient d'être heureux. Sans catastrophe, soleil de bord de mer que portait la brise, se faisait la bise au feu les gens l'hiver. Dans ce monde pout-pout encore de ciel bleu, où se vit la course aux égaux des têteux. Ça vint la catastrophe. Couper les coups, j'ai rendez-vous. Du pain et des boules pour allumer les foules. Dis-moi pourquoi je n'aime plus les blondes. Aux ongles couleur de lilas. Dis-moi pourquoi j'adorais les blondes en noir et blanc au cinéma. Dans ce monde pout-pout semé de falaises, tu mets en grève, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça vint la catastrophe. Quand les pousses de journaux en titre assassinés, de pages petits oiseaux bombardent nos journées. Dans ce monde pout-pout aux plumes de grouillon, au furane du xénochlore dans les moutons, ça sent la catastrophe. Quand on sait plus trop qui, pour on sait plus trop quoi, fait on sait plus trop quoi, pour on sait plus trop qui. Dis-moi pourquoi je crois moins dans nos honorables policiers. Dis-moi pourquoi je ferai plus de chansons, juste de la musique, foire et semblant. Comme aux états uniques, foire et semblant. Chargé de mondial, je revois tes yeux qui parlaient d'être deux. Sans catastrophe, soleil de bord de mer que portait la brise, se faisait la bise aux fûts les gens. L'hiver, où c'est tout ça? Dis-moi, où tout ça va? Ça va. Dans ce monde, pout, pout, indietro, devi solo camminare, camminare. Che la vita si schiarisce, che la vita se ne sta. La mia voce se ne frega, ma il mio cuore se ne sta. Tu mi dici che la vita, ogni passi che farai, devi mai guardare indietro, devi solo camminare, camminare. Un passo in fronte nell'altro per te. Sembra durra che la vita vuol fermare. La mia voce se ne frega, ma il mio cuore può gridare. Tu mi dici che la vita, ma i passi che farai, devi mai guardare indietro, devi solo camminare, camminare. Ma la vita mi fa ridere come mai. Delle volte non ci penso, mio sospiro mi fa guai. Tu mi dici che la vita, ma i passo che farò, devo mai guardare indietro, devo solo camminare, camminare. Un passo in fronte nell'altro per te. Camminare, più forte, più svelto che l'anima. merci Betty, les G-Strings, mais surtout vous autres, on finit l'année en beauté avec le plus beau des plus blés, c'est vous autres!